the building. Kike sa kife sa lime sa fime sa brule sa. Some boy we a mash up the place. Kike sa kife sa lime sa fime sa brule sa. Some boy we a mash up the place. We are coming at the place. We'll recognize where we gonna we are blessed. We not beg no some boy only judge and request. We name see that desire me no boss it in the air. Pass through le man ma comme ça. Yeah, je ne me lemme some boy y'en fume à mon cas. Yeah, tu veux de la vibe ça, pour mettre le fire. Voilà la fougue, y'en a chagrin et desire. Fais la quenelle, j'ai des me diront que c'est obsessionnel. Lume, lume, light, à écouter professionnel, c'est trop mortel. On ne fait pas dans la dentelle. On travaille la musique tous les jours, c'est pas occasionnel. Le son est subjectif, qui pas chance de Chanel. Ciao le jaloux, les rages qui manquent à l'appel. Ressent l'ambiance de cette mélodie qui vient du ghetto, qui vient des cartels, qui vient du ghetto. Hey, Luka, qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Some boy, we are mash up the place. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Some boy, we are mash up the place. Ça va trop vite, ton fil parti, mais les quatre ans, je t'explique, les comme les ton mode, c'est les qu'on a la technique. Mash up, j'ai wiki, pas des machines à descendre. Football, y'a pas y'a son laverchal. Un abattement de c'est les tu perds le fil, les hélas, ma vie, les on fait les lits, sans les mais pousse-toi, bambo. Alors, on s'est en NL, il a des roues, nous, car qu'est-ce qui fait son nez, mais son inadescent. Les autres pas qu'à comprendre que la vie a vini plus raide pour nous pas marcher en unité. Aïe aïe pas ni time pour nous faire pièce de taille taille taille. Adore système qui blague pas gaï. Pas fini qu'à cette nouvelle que toute cette histoire de ma couille. Hypocrisie, jalousie, j'm'en bats les couilles. Grand côté méchant, c'est vous autres mouvement de douille. Moi qui t'arrive, j'aimerais jamais m'attirer avant de brûler. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Some boy, we are mash up the place. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Some boy, we are mash up the place. Real ganja man, me smoke till me I bleed. Hustle hard cause riches me no burn weed. Make money every day, my youth are feed. Make music for girl, go back here then burn the weed. Life is not easy, so me no waste no time. No, me no lazy, no time to sit down and chat like lady. Cry like baby, broke like Batman. Feel the war, you're not ready. J'fais la diff, j'fais du bif, j'me fais des misses, j'me roule les spliffs. J'suis frais comme un gros paquet de pif, je grave du succès auprès de la jambe féminine. J'facile mes fans, j'kill comme je respire. T'es aigri, j'maigris, j'innove à chaque rythme. La street la débauche pour servir à ta couille, y'a plus gros syndicat de la rime. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Some boy, we are mash up the place. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Qui est ça qui fait ça, lime ça, fume ça, brûle ça. Some boy, we are mash up the place.